Alors. L'antidote, la famille. 1, 3, 1, 4, 0, frère. Un peu d'autotune. Et ils ont cru que j'avais plus kické. Ouais. L'antidote, la famille. Le Viz Music. Ils veulent me voir tomber, mais je tiens plutôt bien sur mes jambes. Dans leurs morceaux, ils parlent de percer tout ça, c'est rien qu'une légende. Tu peux les rassurer, mais sans, je suis pas là pour les vendre. On me dit que j'ai un coup à jouer bico, je suis à la bourre, mais je tente. J'ai passé ma vie à rêver, je me suis réveillé brutalement. Les gens attendent l'album, je demande quand c'est que je ferai des trucs. Attends, un truc, c'est fait, les putains, je sens que je veux fuir PD, j'ai plus d'argent. Ils me voyaient sur la touche depuis, je leur mets des buts d'allemand. Ne t'invente pas de vie si t'as pas vécu le quart de ça. C'est plus pour la souna, mais le soir qui se laisse pousser la beubar. Bientôt, chala, je me casse de là. Tu te plais, mais regarde l'âge que t'as. Tes soucis, c'est comme les filles dans la rue, ça me regarde pas. Ils veulent m'amener sur ce terrain, ok, je vais me balader, pas de problème. Je suis tout en bas, une fois là-haut, je ferai pas la paix, ciao frère. J'ai pas lâché l'approche, je baisse, des calaches et la drogue, merde. Ils rappent comme ils fument la beuh, ils veulent attraper la grosse tête. Un peu d'autotune, et ils ont cru que j'avais plus kické. Ben ouais, tu fais du buzz, mais nous on sait que t'as des vues pipées. Je peux faire 3 doubles albums et 14 clips avec une idée. Pareil que le rap est mort, dis-leur qu'elle l'a ressuscité. Je suis d'humeur assassine, ramène l'élite, ramène l'unité. Quand chacun de mes freestyles se transforme en crime à élucider, frérot, t'as peut-être d'utiliser, tu dis meilleur que moi. Tu parles de calache et tout le tralala, tout ça c'est que du ciné. J'ai plein de rimes à mais elles m'ont saoulé comme la Belvédère. Tout le monde dit qu'on se ressent, moi je réponds que de loin on a peut-être des airs. Et on s'appelle les frères, mais on se trahit. S'il y a des meufs, c'est qu'on arrive. Je suis là pour la nuit, qu'on me ramène des verres. En ce moment, je pense à ma vie, je me sens triste et menacé. Je rêve de faire un album de vente de 100 000 et de me casser. Je me sens vidé, je peux parler. Je rêve d'une famille, mais y'a que des folles. Elle est loin l'époque où je me languissais de me marier. Je veux transpirer, me marrer. En plein concert, moi je veux percer les frères. Sur l'arrière, le temps de viser le padré. 200 billets, je peux y aller. C'est l'argent qui prie, mon pseudo, j'attends qu'il brille. Je me sens niqué, je le savais. Putain. L'antidote, la famille, le Viz Music. Et ça, c'est qu'un freestyle parmi tant d'autres, gros. Yeah. L'antidote, la famille.